pièces d'une aura de mon poteau. Dans la sacoche, même pas un couteau. J'ai l'habitude de me lever tôt. Tout le temps, ça m'arrête pour les photos. On veut tous aller au paradis. Bronzage doré des Maldives. Ça m'a fait du bien ce qu'on m'a dit. C'est du temps plein mardi au mardi. Je regarde la mer du 5 étoiles. Souffle les civils sur le toit. Tu me racontes n'importe quoi. Pourtant, je t'ai pas parlé québécois. Je pouvais pas vivre sans toi. Ça sert à rien de lire le livre sans foi. Souvent je pense au sans-abri sans toi. C'est dur de se calmer, garder le sang-froid. Arrête de voir, on me l'a dit plus sans foi. Tu me disais que je pouvais pas vivre sans toi. Ça sert à rien de lire le livre sans foi. Souvent je pense au sans-abri sans toi. Y'a du sang, de la frappe des euros. Les stars en d'assassin d'héros. J'ai vu des anciens valéros. Poursuite de ce gag en Varadero. Sans qu'elle se lave à port max. Lève le RR 1000 jusqu'à X les 1000. 5 heures du match au comate. Pour dormir j'enlève la riche en 1000. Toujours les mêmes, on n'a pas changé. Au charbon y'a pas de congé. Tu nous regardes comme des étrangers. T'as rien fait mais tu veux manger. Toujours les mêmes, on n'a pas changé. Au charbon y'a pas de congé. Tu nous regardes comme des étrangers. T'as rien fait mais tu veux manger. Tu me disais que je pouvais pas vivre sans toi. Ça sert à rien de lire le livre sans foi. Souvent je pense au sans-abri sans toi. C'est dur de se calmer, de garder le sang-froid. Arrête de boire, on me l'a dit plus sans foi. Tu me disais que je pouvais.